suppure par tous les pores de ma peau et qui me fait dire que je suis bien la fille de mes pères, que je suis bien la fille de mes pères. La jolie frousse qui me parcourt la tête et tout le dos et qui me fait dire que je ferais bien mieux de me taire, que je ferais bien mieux de me taire. La folie douce qui suppure par tous les pores de ma peau, qui me traque, me matraque et qui me fait dire que je suis bien la fille de mes pères, que je suis bien connectée aux ondes maléfiques de la folie familiale. La jolie frousse qui rampe et me trempe dans le jus de mon cerveau et qui me fait dire que je ne devrais pas trop me laver dans cette eau amère, cette eau amère. La folie douce qui suppure par tous les pores de ma peau et qui me fait dire que je suis bien la fille de mes pères, que je suis bien la fille de mes pères. La jolie frousse qui me parcourt la tête et tout le dos et qui me fait dire que je ferais bien mieux de me taire, que je ferais bien mieux de me taire. Le tourne-disque de ma folie douce fait sauter le diamant qui reprend le cirque depuis le début et répète indéfiniment la rengaine de la grande mythologie familiale. La jolie frousse qui me pousse à chanter pour faire sortir le petit démon accusateur, pour faire rire et pleurer mes parents, mes amis et ma sœur et tous les ennemis du grand ordonnateur, grand ordonnateur. La folie douce qui suppure par tous les pores de ma peau et qui me fait dire que je suis bien la fille de mes pères, que je suis bien la fille de mes pères. La jolie frousse qui me parcourt la tête et tout le dos et qui me fait dire que je ferais bien mieux de me taire, que je ferais bien mieux de me taire. La folie douce qui suppure par tous les pores de ma peau et qui me fait dire que je suis bien la fille de mes pères, que je suis bien la fille de mes pères. La jolie frousse qui me parcourt la tête et tout le dos et qui me fait dire que je suis bien la fille de mon père, que je suis bien la fille.